إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc ceci est le huitième cours des cours tirés du livre Cheikh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Abbad حفظه الله تعالى intitulé تبصير الناسك بأحكام المناسك، l'apprentissage des rites du pèlerinage. Hier, on a entamé le chapitre dans lequel le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a décrit de façon brève et concise la description, décrit la Umra et le pèlerinage de façon brève puis de façon explicite. On a traité de la préparation à l'état de l'Ihram, puis le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a entamé les détails concernant l'état de sacralisation, et il cite hafizahullah ta'ala 18 points et 18 sujets concernant l'état de sacralisation. Hier, on s'était arrêté au dixième de ces points. ما قال حفظه الله تعالى وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لَيَثْنِيَنَّهُمَا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا. Le dixième point concernant l'Ihram, certains savants, certains gens de science sont de l'avis que le tamattu est obligatoire. Et la majorité des savants sont de l'avis que le tamattu n'est pas une obligation, n'est pas obligatoire. Ceux qui disent que le tamattu est obligatoire, c'est-à-dire que tu ne peux faire que le tamattu, ni le qiran, ni le ifrat. Et la majorité des savants considèrent que le tamattu n'est pas une obligation, car les califes bien guidés, que sont Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, lorsqu'ils accomplissaient le pèlerinage, ils le faisaient en ifrat. Et s'ils avaient compris que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à ses compagnons, et cela on l'a vu hier, une fois arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de changer et de passer en, d'avoir l'intention d'accomplir la Umrah et non plus le Hajj seul ou le Hajj avec la Umrah pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas apporté avec eux leur hadith. Et on avait vu hier, la parole de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut orienter et conseiller et demander de faire que ce qui est le meilleur et le plus complet. Mais le meilleur et le plus complet ne signifie pas forcément une obligation. Donc il dit, hafidhahullah, que si Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum avaient compris que cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un ordre, eh bien, ils n'auraient pas détourné, n'auraient pas failli à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Et ce qui prouve également, et c'est là on voit la finesse et la science des savants, rahimahumullah ta'ala, ce qui prouve également que le jugement de l'Qiran, de l'Ifrad et du Tamattu' sont présents, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé de l'état de sacralisation dans lequel entrera Isa alayhi salam dans la fin des temps après qu'il descendra des cieux alayhi salam et qu'il entrera en état de sacralisation par l'un de ces trois rites. Et vous savez tous que la croyance des musulmans concernant Isa alayhi salam est que Isa alayhi salam est un prophète et envoyé d'Allah alayhi salam, qu'il fait partie de Ulul Azmi min ar-Rusul, il fait partie des cinq parmi l'élite des prophètes et envoyés d'Allah alayhi salam, et que Isa alayhi salam est actuellement dans les cieux et qu'il n'est pas mort. Fahuwa hayyun, il est vivant dans les cieux, comme l'a dit Allah azza wa jalla, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils ont été victimes d'une ressemblance. Ils ont tué une personne qui ressemblait à Isa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla dit par la suite, bel rafa'ahu Allahu ilayhi. Au contraire, Allah Azza wa Jalla l'a élevé auprès de lui. Et parmi les signes, les grands signes de la fin du temps, il y a la descente de Isa alayhi salatu wassalam. Et Isa alayhi salam jugera par le Coran. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est apportée dans le sahih de l'imam muslim selon Hanzal al-Aslami qui dit, j'ai entendu Abu Huraira radiyallahu anhu parler et raconter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il entrera en état de Isa, le fils de Marie, entrera à l'état, en état de sacralisation, bifajjir rawha, qui est un endroit qui est situé entre la Mecque et Médine. Il entrera en état de sacralisation, soit pour accomplir un pèlerinage, ou bien une umra, ou bien les deux en même temps. Donc ici, le prophète sallam a cité que Isa alayhi salam, dans la fin des temps, entrera en état de sacralisation par l'un de ces trois rites. Donc cela sous-entend que le fait d'entrer dans l'un de ces trois rites est légiféré, et que cela notamment sera légiféré dans la fin des temps. Que cela sera légiféré dans la fin des temps. Et si Isa alayhi salam, qui jugera par l'islam et par le Coran, entrera dans l'un de ces trois rites, c'est que cela est autorisé. Et si le tamattu' était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La yuhillanna ibn Maryam bifajr rawha mu'tamiran » Si le tamattu' était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait contenté de dire que Isa rentrerait en état de sacralisation pour accomplir une umra. Une umra, bien sûr, qui fait partie du rite du tamattu'. طيب ثم قال حفظه الله والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حمله في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج من مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم. Donc ici il faut être attentif sur ce 11e point concernant al-ihram que cite Cheikh Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Il dit que le qarin et le mufrid, celui qui fait la umra et le pèlerinage en même temps, et celui qui fait al-ifrad lorsqu'ils apportent avec eux un hadi ou lorsqu'ils le transportent, eh bien ils restent en état de sacralisation jusqu'à ce que le hadi, donc la bête à sacrifier, atteint son lieu d'immolation. Et son lieu d'immolation se trouve ou aura lieu le jour de Nahr, le jour du sacrifice. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son pèlerinage. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son pèlerinage. Il a apporté avec lui le hadi depuis Médine jusqu'à la Mecque. وَإِذَا لَمْ يَسُقَهْ Et si le قَارِن et le مُفْرِد ne l'apportent pas, n'apportent pas le hadi avec eux. Et ici, on pourrait se poser une question. Pourquoi est-ce que le مُفْرِد apporterait un hadi avec lui? Car on a vu que le مُفْرِد, ce n'est pas, le hadi n'est pas obligatoire pour lui. Mais le fait que ce n'est pas obligatoire, est-ce que cela signifie que c'est interdit? Non. Donc, naam, car on le verra par la suite que le prophète sallam l'a fait aussi pour une umrah. Et ça, c'est un acte que peu de gens connaissent, et de ce fait, peu de gens le mettent en pratique. Et on verra par la suite, inshallah ta'ala, des détails concernant le hadi. Donc ici, lorsque l'on dit que le mufrid apporte un hadi avec lui, c'est dans le but, c'est lorsque le mufrid veut faire un bien. Il veut faire, il veut apporter un hadi et le sacrifier, non pas parce que c'est une obligation, mais parce que de sacrifier un hadi est une forme d'adoration par laquelle l'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu hier que le hadi, c'est sacrifier une brebis ou un mouton, ou bien le septième d'un chameau, ou le septième d'une vache. Mais celui qui veut sacrifier en hadi une vache entière, est-ce qu'on lui dit non, tu es obligé de sacrifier ou de t'associer avec six autres personnes? La réponse est non. C'est le strict minimum. Celui qui veut faire plus, eh bien, la portée est grande ouverte pour lui. Donc, concernant le qarin et le mufrid, lorsqu'ils n'apportent pas avec eux ou lorsqu'ils ne font pas transporter le hadi avec eux, alors le mieux, ici, Cheikh Al-Abbad tend donc vers l'avis que at-tamattu' n'est pas une obligation mais une recommandation. Alors le mieux pour eux est de changer leur état de leur intention pour accomplir une umrah, comme cela a été cité précédemment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé à ses compagnons. Et le mu'tamir, lorsqu'il apporte un hadi, lorsqu'il le fait transporter en dehors des mois du Hajj. Donc ici, on parle de celui qui veut faire la Umra. Donc lui aussi, il lui autorise ici le vœu de sacrifier un hadi, soit de l'apporter avec lui depuis le pays où, d'où il part, ou soit de le sacrifier et de l'acheter à la Mecque et de le sacrifier là-bas. Donc le Mu'tamé, lorsqu'il apporte un hadi avec lui, en dehors des mois du Hajj, ou pendant les mois du Hajj. Car on peut très bien accomplir une Umra indépendante pendant la Umra du Hajj, sans que cette Umra ne soit considérée comme une Umra de Tamattu. Quand on a vu que le moment dans lequel on peut accomplir la Umra, c'est toute l'année. Il n'y a pas de restriction à cela. Donc, celui qui accomplit une Umra pendant les mois du Hajj ou en dehors des mois du Hajj et qui n'a pas l'intention d'accomplir le pèlerinage mais uniquement et seulement la Umra, alors il sacrifiera son hadi, cette bête, lorsqu'il aura terminé sa Umra. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Umra de l'Hudaybiyah, qui est appelée Umra de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu refuser par les polythéistes l'entrée à la Mecque pour accomplir sa Umra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors sacrifié le hadi qu'il avait apporté avec lui à Al-Hudaybiyah, à l'endroit où il a été stoppé par les polythéistes. Combien de Umra a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4. La première était Umrat Al-Hudaybiyah. La deuxième, c'est la Umra qui est appelée Umratul Qadha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été empêché par les polythéistes d'entrer à la Mecque pour y accomplir la Umra, il y a eu un accord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes. Et parmi cet accord, parmi les clauses de cet accord, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait faire la Umra l'année suivante. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la Umra l'année suivante. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée Umratul Qadha, la Umra du rattrapage. La troisième Umra qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Umra appelée Umrat al-Ju'arrana, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait après la bataille de Hunayn. Et la quatrième Umra qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Umra qui est incluse dans le pèlerinage, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage Qarinan. Et celui, puis Cheikh Al-Abbad cite un autre cas, celui qui entre en état de sacralisation pour accomplir une Umra dans le but de faire le Tamattu' et décide de prendre avec lui le hadith ou de le faire transporter. Alors, il devra entrer en état de sacralisation pour accomplir le Hajj et la Umra en même temps. Autrement dit, il devra changer et passer du Tamattu' vers le Qiran. Pourquoi? Parce qu'il a apporté le Hadi. Pourquoi est-ce que lorsqu'on apporte le Hadi et qu'on avait l'intention d'accomplir le Tamattu', on doit passer en Qiran? Quelle est la preuve qu'il doit obligatoirement passer en Qiran? La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Et ne rasez pas vos cheveux jusqu'à ce que le hadi arrive à son endroit d'immolation. Et son endroit d'immolation, c'est le Yawm al-Nahr. Donc le mutamati' n'aura pas le droit de se raser avant le jour où il sacrifiera son hadi, le jour de l'Aïd. Et si il n'a pas le droit de se raser, c'est qu'il ne peut pas faire une Umra indépendante. Car parmi les obligations de la Umra, il y a Al-Halq. Donc il doit obligatoirement passer en Qiran. Est-ce que c'est clair? Taïb. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ne rasez pas vos cheveux jusqu'à ce que le hadi arrive à son lieu d'immolation. Cela concerne celui qui a apporté le hadi avec lui. Or, si tu pars en tamattu' et que tu ramènes ton hadi avec toi et que tu restes en tamattu', qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta umra. À la fin de ta umra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te couper les cheveux. Or, Allah Azza wa Jalla dit, voilà, tahliqou ru'usakum. Ne rasez pas vos cheveux. Donc, si tu ne peux pas raser tes cheveux, eh bien, tu es obligé de changer de rite et de passer du tamattu' au qiran. Donc, le mot tamattu', soit il apporte avec lui le hadi. Dans ce cas, il est obligé de changer en qiran. Ou soit il n'apporte pas le hadi, il l'achètera là-bas. Une fois arrivé à la Mecque, il l'achètera. Donc, il ne l'a pas apporté avec lui, mais il l'a acheté et tué lui-même ou et sacrifié lui-même ou a mandaté quelqu'un pour le faire pour lui. Dans ce cas, il fait son tamattu' de façon normale. Tayyib. Concernant le hadi, et le fait que le mu'tamir peut faire un hadi, peut sacrifier un hadi pour sa umrah. Il y a une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans lequel il est questionné sur ce sujet. Donc je vais vous lire la fatwa, inshallah ta'ala, mbab al-fa'ida, afin que l'on apprenne un peu plus sur ce sujet de Al-Hadi, car c'est un sujet important et que malheureusement un certain nombre de gens ne connaissent pas forcément. Donc celui qui pose la question dit, je vais la traduire directement pour gagner du temps, inshallah ta'ala, ce que je sais, donc le questionneur dit, ce que je sais, c'est que pendant la Umrah, il n'y a pas de Hadi. Or, dans la Umrah de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté avec lui le hadi. Et lorsqu'il a été empêché d'entrer à la Mecque, eh bien il a sacrifié son hadi. Ma question est, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté avec lui un hadi alors qu'il est parti pour accomplir une Umrah et non pas un pèlerinage? La réponse de Cheikh Al-Uthaymin, hafidhahullah, que le hadi est de deux sortes. Il y a le hadi obligatoire, et ceci concerne illa fi haqqi, cela concerne le mutamatti' et le qarin. Et il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla, faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Et celui qui jouit d'un moment de celui qui jouit de la liberté après avoir accompli la Umrah en attendant le Hajj, alors il devra sacrifier un hadi qui lui est facile. Donc c'est le hadi obligatoire qui concerne le qarin et le mutamattir. Il y a le hadi qui est surérogatoire. Et ceci concerne le mufrid pendant le pèlerinage. Cela concerne également le mu'tamir. Et cela concerne aussi celui qui n'accomplit ni le pèlerinage, ni la umrah. Celui qui n'accomplit ni le pèlerinage, ni la umrah. Le mufrid sacrifie un hadi pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le mu'tamir peut aussi sacrifier un hadi pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui n'accomplit ni le pèlerinage, ni la umrah, il peut aussi, et qui est dans un autre pays, il peut aussi faire en sorte que de sacrifier un hadi pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il enverra donc ce hadi à la Mecque, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé une bête, un hadi, à la Mecque, alors que lui, sallallahu alayhi wa sallam, était à Médine. Et comme a fait le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la umra de l'Hudaybiyah. Donc le hadith en soi est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith peut être obligatoire comme il peut être recommandé. Il est obligatoire pour le qarin et le mutamatti' et c'est une sunna pour le mufrid pendant le pèlerinage et pour celui qui accomplit la umra, de même pour celui qui n'accomplit ni pèlerinage ni umra. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, il y a un autre hadith qui est obligatoire mais d'une autre sorte, qui est celui qui est le hadith obligatoire pour celui qui a tué un gibier terrestre. Et on a traité ce sujet dans les cours précédents. Voilà la parenthèse concernant le hadith. الثاني عشر وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به ومثله الجارية الصغيرة فإن كان مميزا أحرم بإذنهما وإن كان غير مميز أحرم عنه ونوايا عنه أحرم عنه ونوايا عنه وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة في الجي حفظه الله تعالى lorsque est accompagné ou accompagne un homme ou une femme lorsqu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, accompagne un homme ou une femme, alors ils peuvent, falahuma, ce qui leur est recommandé, c'est de faire le hajj avec lui et la umra avec lui. Et ce cas ou ce jugement est également valable pour la petite fille. Donc cela est valable pour le garçon qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, comme pour la fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Si cet enfant a atteint l'âge de la distinction, c'est-à-dire qu'il distingue les choses, alors il devra entrer en état de sacralisation après avoir eu l'autorisation de ses parents ou de ceux qui sont responsables de lui. Et s'il n'est pas mumayyiz, c'est-à-dire si c'est un enfant qui n'a pas encore toute sa raison, alors ils feront l'intention pour lui. Ils feront l'intention de l'ihram pour lui. Et le fait de faire l'ihram pour un enfant ou une fille n'est pas une obligation pour ses tuteurs. Ce n'est pas une obligation. Lorsque tu veux accomplir le hajj ou la umra et que tu es accompagné de ton enfant par exemple, tu n'es pas obligé de lui faire la umra ou le pèlerinage. Cela est recommandé mais ce n'est pas une obligation. Celui donc qui ne le fait pas, il n'y a point de mal pour lui. Et concernant le hajj et la umra du petit ou de la petite, lorsque ceux-ci sont accomplis, eh bien, ils sont considérés comme des actes surérogatoires pour cet enfant, et cela ne l'exempte pas d'accomplir le pèlerinage obligatoire de l'islam. Et il lui sera obligatoire d'accomplir le pèlerinage et la umra, bien sûr, s'il en a la capacité et les possibilités, après l'âge de la puberté. Et les preuves de cela ont été citées lors du chapitre des conditions du hajj et de la umra. Et si le garçon ou la fille n'ont pas la possibilité, s'ils accomplissent le pèlerinage, n'ont pas la possibilité de lapider les stèles, alors ceux qui ont leur responsabilité le feront pour eux. Ibn al-Munzir, dans son livre Al-Ijma, a dit, et ils sont unanimes, c'est-à-dire les savants, que le garçon qui n'a pas la possibilité de lapider la stèle ou les stèles, que l'on lapide pour lui. Et bien sûr, cela est valable pour la fille également. Le garçon et la fille feront ce que font les grands, et ils doivent être empêchés de faire ce que les grands n'ont pas le droit de faire, notamment mahdourat al-ihram, les interdits de l'ihram. Ceux qui ont la responsabilité de ces enfants doivent faire en sorte qu'ils n'accomplissent pas ces interdits. Et lorsqu'ils font le tawaf, lorsque le père fait le tawaf par exemple en prenant sur lui son enfant, ou lorsqu'il fait le sa'i, eh bien il fait l'intention d'accomplir le tawaf et le sa'i pour lui, mais également pour celui qu'il porte sur lui, et cela que ce soit un garçon ou une fille, ou qu'il porte un garçon et une fille en même temps. Hamoukallah. Il n'est pas obligatoire pour le parent de faire un tawaf indépendant, de faire un tawaf pour lui et un tawaf pour son enfant. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné cela à la femme qui a levé son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un pèlerinage pour lui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et tu as la récompense. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à la femme que tu dois faire un tawaf pour toi et un tawaf pour lui, ou un sa'i pour toi et un sa'i pour lui. Et cela a été cité, et ce hadith a été cité dans le chapitre des conditions du pèlerinage et de la umrah. الثالث عشر وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنا وقال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. Le troisième cas que cite Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, concerne la femme indisposée ou qui a ses louchis. Lorsqu'elle est amenée à passer le miqat, donc cette délimitation terrestre, en voulant accomplir le pèlerinage et la umrah, que doit faire la femme indisposée ou qui a c'est l'Ushi, lorsqu'elle arrive au Miqat et qu'elle veut accomplir le Hajj ou la Umra, ou le Hajj et la Umra. Il dit, hafidhahullah, qu'elles doivent avoir l'intention d'entrer dans le rite qu'elles souhaitent, que ce soit la Umra ou le Hajj, ou la Umra et le Hajj. Et elles font ce que font les autres personnes en dehors du tawaf autour de la Kaaba. Elles feront le tawaf après être pures et s'être lavées. Après être pures, donc lorsque les menstrues ou les louchis seront terminées et qu'elles se soient lavées. La preuve est le hadith de Jabir, le long hadith de Jabir rapporté par Muslim, dans lequel il décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il dit, Jabir dans ce récit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de Médine, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à Dhul Hulaifah. Et Asma bint Umays a mis au monde Muhammad ibn Abi Bakr. Asma bint Umays, qui est l'épouse d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et elle a mis au monde le fils d'Abu Bakr, Muhammad. Elle a donc envoyé des personnes chez le prophète Hassan pour lui demander ce qu'elle devait faire. Et le prophète sallam lui a dit de se laver, de se protéger, ses parties intimes par un tissu ou par un vêtement et d'entrer en état de sacralisation. Et dans le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a beaucoup de cas qui ont eu lieu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit qu'un seul et unique pèlerinage. Lorsque cet homme est décédé, tué par sa chamelle, on a appris le jugement du muhrim qui meurt, que l'on le lave avec de l'eau et du lotus, que son linceul, c'est son vêtement d'ihram, qu'on ne doit ni le parfumer, ni couvrir sa tête, ni couvrir son visage, et qu'il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Cette femme, la femme de Abu Bakr as-Siddiq, Asma bint Umays, qui a mis au monde un enfant alors que elle s'apprêtait à arriver à Dhul Hulaifah, d'accord? Donc elle est partie en voyage et elle a enfanté au niveau du Miqat. Elle aurait pu enfanter après. Mais si elle avait enfanté après, le cas d'une femme qui a ses louchis avant le Miqat ne se serait pas posé, car elle est entrée en état d'ihram lorsqu'elle était pure. D'accord? Donc il y a beaucoup de cas ainsi, et on verra par la suite, qui ont eu lieu dans le seul et unique pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces cas, aussi rares les uns que les autres, ont permis aux musulmans de connaître le jugement concernant ces cas de figure, le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, une femme qui est indisposée ou qui a ses louchis, lorsqu'elle arrive au miqat, elle fait l'irtisal, le ghusl de l'ihram, et ça on l'a vu hier, à quel moment est-ce qu'elle le fait, et elle doit se protéger et entrer en état de sacralisation. L'autre preuve est le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, et le fait également que Asma bint Umays radiyallahu anha est voyagée alors qu'elle s'apprêtait à accoucher. Donc elle était dans la fin de sa grossesse. Et le voyage au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme le voyage à notre époque. Combien de temps il mettait à l'époque pour voyager de Médine à la Mecque. Combien? 9 jours. Il mettait 9 jours. Et il se déplaçait sur le dos de chameaux et parfois même à pied. D'accord? Et c'était toute une caravane qui se déplaçait sous la chaleur, etc., avec toutes les contraintes que cela a. Et Asma bint Umays a décidé d'accomplir le pèlerinage alors qu'elle était en fin de grossesse, avec toutes les difficultés qu'un voyage comme ce voyage supposait. Et cela nous montre que les femmes d'avant ne sont pas comme les femmes d'aujourd'hui. Et pour être juste, on dit aussi que les hommes d'avant ne sont pas comme les hommes d'aujourd'hui. Taïb. Et la preuve également est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui est entré en état de sacralisation pour accomplir une umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu. Donc Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle est partie accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était qarin et Aïcha radiallahu anha a fait l'ihram de la umrah. Donc elle voulait accomplir un tamattu. Puis elle a été indisposée radiallahu ta'ala anha et elle est restée ainsi jusqu'à ce que les gens soient partis à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Le 8e jour de Dhul-Hijjah était arrivé et elle était toujours indisposée radiallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de ne plus être mutamattia, mais de passer en qiran, d'inclure sa umrah dans son hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Aïcha radiallahu anha, qui était donc indisposée, fais ce que le pèlerin fait, si ce n'est à l'exception du tawaf autour de la maison, que tu accompliras que lorsque tu seras pur. Donc la femme indisposée qui accomplit le pèlerinage ou la umrah fait tout ce que le pèlerin fait ou tout ce que le mu'tamir fait à l'exception du tawaf. Donc si c'est le pèlerinage, elle va à Arafat, elle va à Mina, elle va à Muzdalifa, elle lapide les stèles, d'accord, elle se coupe les cheveux, elle fait le sa'i. Et concernant le sa'i, il y a un khilaf des savants à ce sujet. Est-ce que l'on doit obligatoirement respecter l'ordre de faire le tawaf puis le sa'i, ou est-ce que l'on peut ou est-ce que cet ordre n'est pas obligatoire, que l'on peut faire le sa'i avant la umrah? Autrement dit, une femme qui va accomplir la umrah au miqat, on a dit qu'elle entre en état de sacralisation. Elle dit labbayk allahumma umratan. Une fois arrivée à la Mecque, est-ce qu'elle attend jusqu'à être pure pour aller faire son tawaf et son sa'i et ensuite se couper les cheveux, ou est-ce qu'elle peut faire son sa'i, puis attendre d'être pure, et ensuite faire son tawaf? Il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains disent que le tawaf est fait avant le sa'i, et que le sa'i ne peut être valide que s'il est fait après le tawaf. Et ils ont pour preuve la parole du professeur Hassam, « Khudhu anni manasikakum », prenez de moi vos rites. Or, le professeur Hassam a fait le tawaf avant le sa'i. Et d'autres savants utilisent le hadith de Usama ibn Sharik, dans lequel le professeur Hassam était questionné le jour de l'Eid par certains compagnons. Certains avaient rasé avant de sacrifier. D'autres avaient avait lapidé la stèle après avoir sacrifié. D'accord? Et le professeur Sam disait, la haraj, la haraj. Et dans des versions, sa'aytu qabla an atouf. J'ai fait le sa'i avant le tawaf. Et le professeur Sam m'a dit, la haraj. Et c'est là où il y a une divergence des savants. Certains considèrent que cette version n'est pas authentique. Et d'autres savants considèrent qu'elle est acceptable et donc on en déduit qu'il est autorisé de faire le sa'i avant le tawaf. Et Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, tend vers cet avis, mais lui, il considère que cela est possible que pour le hajj et non pas pour la umrah. À la kulli hal, dans des sujets comme celui-ci, il vaut mieux prendre ses précautions et attendre, et que la femme attende, afin de sortir de la divergence, attendre d'être pure, de se laver, ensuite aller accomplir son tawaf, le faire suivre du sa'i, et ensuite couper ses cheveux, de la façon que l'on décrira par la suite, incha'Allah ta'ala. Cela concerne la femme qui était indisposée avant le tawaf. Mais si la femme est indisposée après le tawaf, donc elle a fait son ihram, elle est entrée en état de sacralisation au miqat, elle était pure. D'accord? Elle arrive à la Mecque pour accomplir sa umrah, elle fait le tawaf. Une fois le tawaf terminé, elle est indisposée. C'est un cas qui peut arriver ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Elle continue son sa'i, car le fait d'être pur n'est pas une condition pour accomplir le sa'i. Elle fait son sa'i et elle coupe ses cheveux et ensuite elle se désacralise et sa umra est terminée. Donc cela concerne celle qui est indisposée avant le tawaf et non pas après. الرابع عشر ولما لم يحصل من عائشة الاتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل فاعتمرت منه رواه البخاري ومسلم ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمرة متعددة بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. Le quatorzième point que cite Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, est toujours la continuité de ce qui est arrivé à Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle est arrivée à la Mecque, indisposée, avant d'avoir accompli le tawaf. Donc, lorsque le pèlerinage est entré, le professeur Hassan lui a dit de passer en qiran. C'est ce qu'elle a fait, radiallahu ta'ala anha. Et le qiran, celui qui fait le qiran, n'accomplit pas de umra indépendante. La umra est inclue dans le hajj. Et Aïcha radiallahu anha et d'autres épouses du professeur Hassan, elles ont accompli le tamattu'. Et donc Aïcha radiallahu anha a dit, des personnes vont revenir avec une umra et un hajj, une umra indépendante et un hajj, et moi, je reviens avec un hajj et une umra, mais qui ne sont pas une umra qui n'est pas indépendante. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir une umra indépendante après le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr d'accompagner sa sœur jusqu'au Tan'im, jusqu'à At-Tan'im, qui est l'endroit à l'extérieur, l'endroit le plus proche à l'extérieur de la terre sacrée. Et Aïcha radiallahu anha a donc fait son état, est donc entré en état de sacralisation pour accomplir une umrah depuis At-Tan'im. Et à At-Tan'im aujourd'hui, il y a une grande mosquée qui a été construite, qui est appelée notamment Masjid Aïcha. Il dit, hafidhahullah, celui, non, pour être plus précis, celle qui se trouve dans le même cas que Aïcha, radiallahu anha. Alors, elle peut faire une umrah après le pèlerinage, comme la umrah de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Donc la femme qui se trouve dans le même cas que Aïcha, radiallahu anha, peut faire une umrah après le pèlerinage. Quant à ce que font certains pèlerins, en faisant des allers-retours entre la Mecque et la terre et l'extérieur de la terre sacrée pour accomplir différentes umrah. Ceci n'est pas convenable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a permis à Aïcha radiallahu anha d'accomplir cette umrah, il est resté avec ses compagnons radiallahu anhum en attendant que Aïcha radiallahu anha termine sa umrah, en attendant que Aïcha radiallahu anha termine sa umrah. Et pendant ce temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait et ses compagnons, il n'a pas dirigé ses compagnons à accomplir une umrah eux aussi, car ils étaient en train d'attendre. Si cela était recommandé ou si cela était préférable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait orienté ses compagnons pour, pendant, au lieu d'attendre, de profiter pour eux aussi accomplir une umrah. Et d'autres savants disent même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à qui? À Abdurrahman ibn Abi Bakr, au frère de Aïcha qui l'accompagnait. Donc lui, il partait avec sa sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, profite de cet accompagnement pour toi aussi accomplir une umrah en compagnie de ta sœur. Ceci indépendamment de ce que ceux qui font ces umrahs à répétition, sans compter donc cela indépendamment de ce que cela cause comme comme encombrement, voilà que l'on fait, comme encombrement et comme gêne pour ceux qui accomplissent le tawaf et le sa'i. Car surtout pendant le pèlerinage, le tawaf et le sa'i sont archi-combles. Donc déjà archi-combles de pèlerins qui viennent accomplir leur pèlerinage. Si on ajoute à cela toutes ces personnes qui accomplissent 2, voire 3, voire 4 umrah par jour, une umrah pour son père, une umrah pour sa mère, une umrah pour sa tante, pour son grand-père, ainsi de suite. Et c'est une question qui est souvent posée. Je pars en umrah, est-ce que je peux refaire une umrah pour mon père, pour ma mère, etc. Donc l'intention est bonne. Mais, comme vous le savez, l'intention ne suffit pas. La fin ne justifie pas les moyens. Ajoutez à cela que les umrah qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les umrah qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a toutes accomplies alors qu'il était à l'extérieur de la Mecque et entré à la Mecque. Et aucune umrah, parmi les umrahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait aucune umrah de la Mecque à l'extérieur, mais toujours de l'extérieur vers la Mecque. Al-Khamis Achar. يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم أو يستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبداله عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك رواه البخاري ومسلم. Le cinquième cas que cite Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, concernant l'ihram. Il dit, et le vêtement de l'ihram est constitué d'un izar et d'un rida. Donc ceci pour l'homme. Al-izar, qui est ce tissu blanc qui recouvre la, et qui cache la partie inférieure du corps. Et rida, qui est la partie qui cache qui est le vêtement qui cache la partie supérieure. Et lorsque l'on dit la partie inférieure pour l'homme, le izar doit cacher entre le nombril et le genou. Le nombril et le genou inclus ou non inclus? Inclus. Et cela nous amène à parler de du laxisme d'un certain nombre de pèlerins qui, lorsqu'ils portent le izar, eh bien, le izar ne couvre pas du nombril au genou. Certains portent le izar en dessous du nombril. Certains même, qu'Allah leur pardonne et qu'il les réforme, juste au-dessus du pubis. Quant à couvrir le genou, je ne vous en parle pas. Et quant à l'inattention dont font preuve, l'attention ou négligence en font preuve un certain nombre de pèlerins, c'est le fait qu'ils ne font pas attention à cacher leur partie intime lorsqu'ils sont amenés à s'asseoir ou à être dans des positions où leur partie intime peut être dévoilée. On voit des fois des hommes assis sur un trottoir, par exemple, les jambes écartées. Et les passants voient leur partie intime, wal'ayadu billah. Donc les musulmans, le pèlerin doit faire attention à cela, notamment aussi pour les hommes qui accomplissent le pèlerinage à Mina, notamment à Mina ou à Arafat, lorsque les pèlerins sont dans une seule et même tente, assis, lorsque tu es amené à te lever ou à t'asseoir ou à t'allonger, tu dois faire en sorte de ne pas montrer tes parties intimes, car le pèlerin n'a absolument rien en dessous de son ihram, comme caleçon, slip ou autre. Quant au izar, c'est ce qui couvre la partie supérieure. Et le rida afwan est ce qui couvre la partie supérieure. Et la sunna est que les épaules doivent être couvertes pendant toute la période du pèlerinage. Pendant toute la période de l'ihram, de l'état de sacralisation, exception faite au tawaf al-qudum, que ce soit le tawaf de la umra pour le mutamati' ou le tawaf al-qudum pour le qarin et le mufrid. Où la sunna est de faire al-ittiba', de découvrir l'épaule droite pendant les 7 tours, pendant toute la durée du tawaf. En dehors de cela, le pèlerin couvre ses épaules. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous entre en état de sacralisation en portant un izar, un rida et des sandales. Un izar, un rida et des sandales. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, et la chaîne de transmission est authentique et respecte les conditions de Bukhari et Muslim. Il est recommandé que ces deux vêtements, al-izar et al-rida, soient blancs, de couleur blanche et propre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Celui qui porte un isar et un rida en état de sacralisation d'une couleur autre que la couleur blanche, cela est autorisé, mais il a délaissé ce qu'il y a de mieux à faire, à savoir de porter un isar et un rida de couleur blanche. Il est autorisé à la personne en état de sacralisation de laver ses vêtements de l'ihram lorsqu'ils sont tachés ou voire même de les changer si il a un besoin de les changer, de prendre un autre izar et un autre rida et de les porter pendant son état de sacralisation. Également, il est autorisé à celui en état de sacralisation de se laver pendant son état de sacralisation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé lorsqu'il est entré à la Mecque. Il s'est lavé en prenant l'eau du puits de Zoutoua, qui est à proximité de la Mecque. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, et également dans un autre hadith, le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Al-Sadis Achar, Non, tu te laves sans ihram. Tu enlèves ton ihram et tu te laves. Non. Ça, on en a parlé, on va reparler, Inch'Allah, après. السادس عشر في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة Seizièmement, le fait que celui en état de sacralisation enlève ses vêtements habituels pour se revêtir de ces deux étoffes de tissu que sont Al-Izar et Al-Rida, le fait que tous les hommes portent le même vêtement, sans faire de distinction entre le riche et le pauvre, sans faire de distinction entre l'émir et celui qui est sous son commandement, le fait qu'ils soient égaux dans ce vêtement qu'ils portent en état de sacralisation, cela fait rappeler qu'ils sont égaux également et qu'ils seront tous revêtus du linceul lorsqu'ils mourront. Cela, le vêtement de l'ihram, fait donc rappeler aux musulmans qu'il doit se préparer à la mort et qu'il doit se préparer à la mort en accomplissant des actes vertueux et pieux par lesquels il se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sabi Achar, ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بالعمرة أو بعمرة أخرى وهو الأولى ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت والحج من المواقيت وحج وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. Le 17e cas que cite Cheikh Al-Abbad hafizahullah, celui qui accomplit une umrah pendant les mois du pèlerinage puis retourne dans son pays ou l'endroit où il réside, eh bien il ne sera pas considéré comme mutamattir car son voyage s'est terminé. Car son voyage s'est terminé. Il s'est terminé lorsqu'il est retourné chez lui. Lorsque tu retournes chez toi, eh bien ton voyage est terminé. Donc celui qui accomplit une umrah pendant les mois du hajj, dans le but de faire le tamattu, puis il rentre chez lui, il retourne en France et repart pour faire et entre à la Mecque en état de sacralisation pour accomplir le hajj. Pour lui, il accomplit le tamattu. Or, le tamattu s'arrête lorsque ton voyage s'arrête. Le tamattu est effectif tant que tu es pendant ton voyage pour accomplir le pèlerinage. Lorsque ton voyage se termine, ton tamattu se termine aussi. Celui qui accomplit une umra pendant les mois du pèlerinage, puis se rend à Médine. Est-ce qu'il habite à Médine? Non. Donc il se rend à Médine. Donc il est toujours considéré comme étant en voyage pour accomplir son pèlerinage. Alors, il est considéré comme mutamatti, car il est toujours en état de voyage pour accomplir son pèlerinage. Et lorsqu'il passera le miqat, il aura le choix, soit de faire l'ihram pour accomplir le hajj, donc pour faire l'ifrad, ou bien il fera l'intention d'accomplir une deuxième umrah. Et c'est ce qui est le mieux à faire. Ainsi, il aura deux umrahs et un pèlerinage. Il aura deux umrahs et un pèlerinage et il n'aura qu'un hadi à sacrifier, qui est le hadi du tamattu'. Il n'aura qu'un hadi à sacrifier, qui est le hadi du tamattu'. Donc si on prend le cas d'une personne qui part d'ici, il part dans l'intention d'accomplir le tamattu'. Il arrive au miqat, il dit « Labbaik Allahumma umratan ». Il va à la Mecque, il fait son tawaf, son sa'i. Il se coupe les cheveux ou se les rase. Tout dépend du laps de temps qu'il y a entre sa umra et son pèlerinage. Ensuite, il reste à la Mecque et il décide d'aller à Médine. Il va à Médine. Lorsqu'il retourne à la Mecque, il va passer par le miqat de Dhul-Hulayfa. Ici, soit il accomplit le pèlerinage, il peut accomplir le pèlerinage, c'est-à-dire de passer en ifrat, de dire je vais accomplir le pèlerinage uniquement. S'il fait cela, il restera en état de sacralisation jusqu'au jour de l'Aïd, jusqu'au jour du Nahr. Ou sinon, il peut décider de faire une deuxième umra. De faire une deuxième umra et ensuite accomplir son hajj lorsque le huitième jour de Dhul-Hijjah sera entré et il fera cela de la Mecque. Al-Thamin Ashar. Naam. وهو الأولى c'est ce qu'il y a de mieux à faire. بعمرة أخرى وهو الأولى يعني de faire une deuxième umrah. Le fait de faire une deuxième umrah est ce qu'il y a de mieux à faire.